Sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, bienvenue de Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Bienvenue une fois de plus à ce numéro du métal qui, comme tous les mardis soirs, va vous enchanter, j'espère. Donc 2 heures de métal en fusion qui vont vous réjouir les cages à miel, bien sûr. Donc des nouveautés cette semaine, comme à chaque fois, elles seront au nombre de 4. On va faire donc un petit tour à travers les genres et sous-genres qui composent donc notre style musical préféré. Eh bien, on va commencer tout de suite avec ce qui a été une des grosses sorties de ce début d'année 2022. Un groupe qui fait partie de la légende et qui célèbre cette année ses 50 ans de carrière, c'est Scorpion, qui nous est revenu en pleine forme avec un album excellent qui s'appelle Rock Believer, que vous connaissez parce que si vous écoutez Electric Shock depuis que vous avez remarqué que ces dernières semaines, on en passait régulièrement. Il faut dire que cet album il m'a foutu une belle claque quand même, parce que ces derniers temps, Scorpion, même si sur scène ça le faisait toujours, je dois avouer que Return to Forever ne m'avait pas vraiment convaincu, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me disais que si c'était... Pour terminer sur cet album-là, ça aurait pas été vraiment là, mais bon, si Rock Believer serait leur chant du cygne, enfin j'espère que non, eh ben ils auraient pas à rougir du tout, ils pourraient dire on s'en va la tête haute. Eh ben d'ailleurs, ce soir, on va commencer tout de suite avec Rock Believer. Rock Believer, c'est qui? C'est dédié aux éditeurs d'Electric Shock. Crawl until you walk. You make a scream and learn to talk. You discover life on every day. From the first day you were born, you walk the lifeline of your own. And if you always keep the faith, no one can take your dreams away. In the ruins of their souls, you saw the beauty of it all. Fathers can we steal, but we came back to make you feel our love in every song we play. Scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. Come on, scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. So many moments that we share of all the love we give and take. Love came to me so many ways, no matter what some haters say. No one can take our dreams away. Scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. Like you. Scream. our dreams away. No one can take our dreams away. Majesté, classique de Sortilège, le groupe de légende français. Extrait donc de son premier album Métamorphose, sorti en 1984. Et le Sortilège reformé, enfin, je vous épargne les détails de la reformation un peu pathétique à mon goût. Voilà, qui sera en concert donc vendredi soir, le 15 avril, donc à l'Élysée-Montmartre à Paris, en compagnie de Manigance. Concert qui normalement devait avoir lieu il y a déjà, quasiment 2 ans, 2020. Enfin bon, vous connaissez la situation sanitaire. Donc les fans vont enfin pouvoir voir ce que vaut le nouveau ancien Sortilège. Voilà. Juste avant Sortilège, Scorpion avec Rock Believer, extrait de Rock Believer. Et Scorpion, eux, ils seront en concert chez nous en Hexagone durant tout le mois de mai et une partie du mois de juin. Ils seront dans Guerre à Paris-Bercy, l'Accor Arena Hôtel, je crois que c'est le 17 mai. Et puis ils seront au Hellfest, où ils seront d'ailleurs un des groupes vedettes. On va continuer dans l'esprit 70s entre Led Zeppelin et Janis Joplin, et pour ça on va revenir donc à l'album de Firebug, duo américain que je vous ai présenté la semaine dernière, extrait donc de leur album No Return. Là on change complètement avec le morceau Moment of Joy. Find a moment of joy on a sunny afternoon. Catch a moment, if you will, for it's gone too soon. to keep locked inside, 'cause no one should never deny or know our worth. Locked inside, 'cause no one should never deny or know our worth. Quand on entend ça, c'est clair qu'on se croirait à la fin des années 60, début des années 70. Et pourtant, c'est un groupe très actuel, puisqu'il s'agit des Blues Pills. Ouais, quand ça fait un bon bout de temps qu'on n'est pas passé. Avec un extrait de leur dernier album sorti en 2020, Holy Moly, c'était Dust. Juste avant, eux aussi sont très actuels, les Américains de Firebug. Et dans le même esprit, c'est donc un extrait de leur album No Return, sorti récemment. Et c'était Moment of Joy, le morceau de ce soir. Eh bien, on va se faire la première nouveauté de la soirée avec quelque chose de tout chaud, tout bouillant, puisque c'est sorti vendredi. C'est un nouveau official bootleg de Dream Theater. Enfin, nouveau, tous les mois, depuis l'année dernière, le mois de juin, il y a un official bootleg qui sort quasiment. Mais la plupart sont des rééditions de ce qu'à l'époque Mike Portnoy avait mis dans son label It's a Jam. Donc des lives, des démos de toutes sortes, qui sont introuvables depuis maintenant facilement, pas loin de bonne quinzaine d'années. Donc ça permet de réécouter ces enregistrements rares à un prix relativement modique. Mais celui de ce mois-ci nous intéresse davantage, puisqu'il s'agit d'un concert récent, enregistré au Japon en 2017. Donc c'est un petit peu la suite du premier qui était sorti au mois de juin dernier, qui était Images and Words, donc la version intégrale de l'album Images and Words qui avait été joué au Japon pour les 25 ans, cet anniversaire. Là, on a donc l'autre partie du concert donc de Tokyo, du Budokan de cette époque-là, avec donc l'autre partie du concert. Et je me serais attendu à voir un peu plus d'extraits de l'album The Astonishing, le concept un petit peu, on va pas dire raté, mais enfin voilà, de Dream Theater, qui n'est représenté que par deux morceaux dans cette partie. Pendant, pour le reste, une setlist assez courageuse quand même, puisqu'ils auraient pu faire un greatest hits entre guillemets. Non, ça, on va pas leur reprocher ça, c'est clair. Donc bon, on va se faire justement un petit extrait de The Astonishing, c'est The Gift of Music. Theater, donc avec deux extraits de son concept album The Astonishing, sorti en 2016. Ça, c'était donc Our New World et The Gift of Music, tous deux enregistrés en live, qu'on peut trouver sur le nouvel album Live and Beyond Live in Japan 2017 de la collection Lost Not Forgotten Archives. Et ça, c'est sorti donc tout simplement vendredi dernier, c'est tout chaud, tout bouillant. Et Dream Theater, bah, ils seront en concert normalement à Paris le 25 avril prochain au Palais des Sports, porte de Versailles. Excusez du peu. Continuons à quelque chose de plus rock, de plus quepon, avec le troisième album de Nagas, Deuxième Regard, et il nous raconte les aventures de Camille Quepon. Ça, c'était Coming Term Sect, la légende du rock orléanais, avec son nouvel album Des jours plus durs que d'autres, sorti à l'automne dernier. Juste avant Nagas, groupe qui nous vient de Verdun, et son troisième album Deuxième Regard, c'était Camille Quepon. Revenons maintenant à une légende du rock qui devrait normalement tirer sa révérence à la fin de la tournée 2022, Kiss qui nous a ressorti un live de ses archives, un petit peu comme Dream Theater tout à l'heure, enregistré à Virginia Beach au mois de juillet 2004. Un concert donc, comme j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, où Kiss n'est pas toujours sous son meilleur jour. En effet, Paul Stanley nous montre des fois ses défaillances vocales. Au moins, c'est honnête, ils ont voulu montrer le groupe tel qu'il était. Donc pour ce soir, on va se faire une petite doublette. Tout d'abord, un petit morceau qu'on a tendance un petit peu à oublier de l'album souvent sous-estimé qui était Revenge, l'album du grand retour de 1992, un album très heavy, comme ce Unholy, qui n'aurait pas dépareillé sur un album de Soundgarden, par exemple. Oh, and you want some fun? 45 tourons sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous êtes bien en train d'écouter Electric Shock, l'émission Hard Rock Metal, tous les mardis soirs entre 19h et 21h. À l'instant, vous aurez reconnu le classique de Kiss, Shout It Out Loud, à l'origine, qui figure sur l'album Destroyer, sorti en 1976. Et là, cette version était tirée de son Off the Soundboard, Virginia Beach 2004, qui est sorti il y a de ça à peu près un mois. De même que le Unholy, que vous avez eu droit juste avant. Et Kiss, qui normalement devrait être en concert le 7 juin prochain à Paris-Bercy, pardon, l'Accor Arena Hotel. Voilà, à suivre. Changeons complètement de registre et revenons à quelque chose de plus, comment dirais-je, introspectif, avec le nouvel album de Marillion, An Hour Before It's Dark, un album superbe comme à leur habitude, et je vous invite ce soir à nous plonger dans Reprogram the Gene. toujours aussi superbe, moi je trouve. Un extrait du dernier album de Marillion, Now Before It's Dark. C'était le morceau Reprogrammed de Gene, un morceau en trois parties, Invincible, Trouble Free Life et A Cure for Us. Voilà. On va changer maintenant avec de style à quelque chose de plus brutal, on va dire, avec la deuxième nouveauté de la soirée. Donc c'est un groupe qui nous vient de Lorraine, qui s'appelle Defiancy, qui existe depuis 2009. C'est à la fois du métal traditionnel, en même temps on y retrouve des mélanges de thrash, de def, enfin plein de choses. Enfin, toujours est-il que c'est un groupe qui a de la bouteille, puisqu'ils ont quand même plus de 200 concerts en Europe, des premières parties entre autres de Machine Head, de Amon Amarth, de Testament, de Napalm Death, de plein de choses quoi. Donc Paul Mechier. Et là c'est leur quatrième album qui s'appelle Warranta. Alors Warranta est plus ou moins un concept qui parle de ce qui s'est passé dans le bassin minier français dans les années 40, hein, donc où il y a des mélanges de légendes, de superstitions, de malédictions qui bouleversent la vie des mineurs. Enfin voilà, tout ça, c'est tous les morceaux sont liés entre eux. Voilà, on va dire que c'est un rock opéra quelque part. Donc extrait de cet album qui s'appelle Warranta, le morceau que je vous invite à découvrir ce soir, c'est Dichotomy. Yeah. Qu'est-ce qui vous grille les neurones? Bien sûr, c'est Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Ben, à l'instant, on s'est grillé les neurones avec un extrait du premier album de Deadwood, Unwanted, c'était le morceau titre. Juste avant, deuxième nouveauté de la soirée, groupe qui nous vient de Lorraine, Defiancy et son concept album Warrenta, c'était le morceau Dick Tommy. Maintenant, on va faire un tour par l'Alsace et on va retrouver le désert californien avec le duo Knucklehead, guitare-batterie, qui vient de sortir donc son nouvel album Holsters and Rituals. Et on va se faire le morceau Ritual. Yeah. Mindlock, un petit extrait de Servant of the Mind, le dernier opus de Volbeat. Juste avant Volbeat, venu d'Alsace, le duo Knucklehead et leur dernier album Holsters and Rituals, c'était le morceau Ritual. Retournons aux États-Unis avec le nouvel album de Hydrogen sorti fin 2020, début 2021, enfin on sait plus tellement bien, de Boiling Point que je vous ai déjà présenté il y a quelques semaines. Et faisons-nous un petit Beds in the Belfry. We'll be right back. Les Suédoises de Sonder Moser avec un extrait de leur album Heat Wave sorti en 2020. C'était Loud and Alive. Juste avant Hydrogen et leur dernier album The Boiling Point, c'était Bat in a Belfry. Et on va se faire la troisième nouveauté de la soirée. Pour ça, je vais vous emmener du côté de Marseille découvrir un groupe de hardcore qui s'appelle Rats Don't Sink, qui existe depuis 2014. Et là, ils viennent de nous sortir leur quatrième EP avec des guests de la scène locale. Seulement, voilà, ce EP n'est disponible que sur la scène, qu'en digital. Et du coup, le groupe m'a envoyé sa dernière version physique, qui était donc le précédent EP qui était sorti en février l'année dernière, que donc c'est toujours d'actualité. Celui-ci s'appelle Stubborn Rodents et je vous invite à découvrir ce hardcore mélodique avec le morceau Real Reborn. C'est vrai qu'on se ferait presque surprendre. Les Burning Heads, groupe phare de la scène rock orléanaise, bien sûr, avec son dernier album Torches of Freedom, c'était Guard of Nasty. Et c'est vrai qu'on a été gâtés en scène de rock d'Orléans, puisque tout à l'heure nous avons eu Comintern Sect avec leur dernier album. Que point commun entre Burning et Comintern Sect? Bah évidemment, Tomoy, leur batteur. Juste avant Burning Heads, la nouveauté de la semaine, une des nouveautés de la semaine, la troisième, venue de Marseille, Rats Don't Think, avec leur EP Stubborn Rodent, sorti l'année dernière, c'était le morceau Real Reason. Changeons de registre, on va revenir à l'album de Slash, son quatrième album, qu'il a intitulé tout simplement Fort, hein, pourquoi faire simple quand, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Et ce soir, on va découvrir Fall Back to Earth. Il est 20h32 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, Electric Shock entre donc dans sa dernière demi-heure. Je vous rappelle qu'Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Vous avez eu un petit extrait de Four, le dernier album de Slash, légendaire guitariste. C'était le morceau Fall Back to Earth à l'instant. Revenons à quelque chose que je vous ai présenté il y a quelques semaines déjà, le groupe originaire de Nantes, Affect, dont c'est le premier album, groupe de metalcore, qui s'appelle L'Odyssée de l'Espoir. Et ben ce soir, on va se faire quoi? Et ben on va découvrir L'Odyssée de l'Espoir. Yeah! On s'est bien décrassé les cages à miel à l'instant. S'il reste un peu de cérumen, là, je crois que je peux pas faire grand chose pour vous. Les tourangeaux de Beyond the Sticks se sont bien chargés de nous enlever tout ça. Donc, un petit extrait de Sentence. Ça, c'est quelques semaines qu'on n'est pas passé. C'était Machination. Juste avant Beyond the Sticks, originaire de Nantes, c'était Affect avec l'Odyssée de l'Espoir, extrait de leur album qui s'appelle l'Odyssée de l'Espoir, tout simplement. Eh bien, on va se faire la dernière nouveauté de la soirée avec un groupe qui s'appelle Hollow. Enfin, un groupe, c'est plutôt un projet d'un seul homme, un one-man project, comme on dit. Alors, c'est Chuck Bawol, un multi-instrumentiste français qui a sorti son premier album. Là, c'est sorti mi-février. Alors, il est très influencé thrash old school, death metal et metal mélodique malgré tout. Et il a tout fait tout seul, et d'ailleurs ça se ressent un petit peu par moment, parce que les morceaux sont un petit peu décousus, même si le reste est très bien interprété, il a fait vraiment du super boulot, ça il n'y a pas à dire. Des fois ça peut faire penser à Testament, Sacred Reich Slayer, plein de choses. Mais bon, je pense que ce qui lui aurait manqué, c'est qu'il y ait quelqu'un avec lui pour des fois un petit peu le recadrer. Voilà, mais bon, c'est un péché de jeunesse, c'est un premier album, et il faut reconnaître quand même que le boulot fait est vraiment énorme. L'album s'appelle The Infinite Cycle, et le morceau qu'on va découvrir ce soir, c'est Shadows on the Wall. se ti segnas per lo che poti ottenere. So I seem to understand what lies beyond the screen. For you made it to expand, run away from this obscene. You chose not to fall, only to send a net. You learned to reach his goal, run to life within your hand. Shadows on the Wall, ça c'était un extrait du premier album de Hollow, un self-project, The Infinite Cycle, voilà, et c'était donc la quatrième et dernière nouveauté de la soirée. Et maintenant, refaisons un petit peu de hardcore alternatif en revenant au live de Helmet sorti fin 2021, intitulé Live and Rare, et on va revenir au concert du CBGB que le groupe avait donné en 1990, qui figure sur ce CD, ainsi qu'un autre concert archive. Donc, extrait de ce concert de New York 90, le morceau Sinatra. Bad idea. She needs affection. sauvage. Elle met à l'instant le petit instrumental Rumble et juste avant le morceau Sinatra, donc deux extraits du Live and Rare, enregistré donc à New York au CBGB le 27 janvier 90. Et tiens, pour l'anecdote, il y avait 30 personnes dans la salle pour leur premier concert, ça s'est entendu d'ailleurs, et que l'ingénieur du son leur avait dit que pour $50, ils pouvaient leur enregistrer leur concert sur la table de mixage. Je pense pas que Helmet pensait que 30 ans plus tard, celui-ci resservirait. Enfin voilà, donc un investissement qui a été important. Bon, on a le temps de se faire un dernier petit morceau juste avant de se dire au revoir. Eh ben tiens, si on terminait en beauté avec Korn, ça vous dit? Eh ben on va se faire un petit extrait de Requiem et après on va se dire au revoir. Worst is on its way. We'll be right back. Worse It's On Its Way, voilà, de Korn. Ce sera donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute de ce magazine métal. J'espère vous retrouver nombreux la semaine prochaine avec bien évidemment des nouveautés, comme toujours. D'ici là, portez-vous bien, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. À mardi prochain. Salut à tous!